À l'occasion du mois de la lutte commune anti-américaine du 25 juin au 27 juillet, il y a eu exposition de livres et de photos au Nigeria et séances de films en Suède et à Singapour.